Imbécile. Gede bagay yo kon ap di ou moun, fò moun ta nan pozisyon pou ta wè bagay la. Wè kon abitye lante ap vin di ou wi, mwen tande, madame Matisse ap, ou wi, wè al domi de yo, e se pa vre a fè domi de yo, a moun pa jam domi de yo. Sande de kay, ou domi non lot kay. En parlant de dormir dans leur caille, hier soir, je dormais, je rêvais pour une femme qui volait sous dôme. L'aime d'où laisse, je suis transformé, je suis tourné en bouillie. Laisse, je suis tombé pour un nid. Et puis, je suis regardé qu'un voisin, pour un voisin tout le monde. Mon grand-père m'a fait le bœuf.